إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc bienvenue à tous, أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا حياكم الله. Donc nous allons continuer l'explication du livre de la purification de Bulugh al-Maram. Et nous nous sommes arrêtés au 11e hadith, celui de Abdullah ibn Omar, qu'Allah agrée. Donc Ibn Omar rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: on nous a permis la consommation de deux bêtes mortes et de deux sangs. Les deux bêtes mortes sont la sauterelle et le poisson. Et les deux sangs sont le foie et la rate. Donc ce hadith, il est rapporté par Abdullah Ibn Omar, qu'Allah l'agrée. Et comme vous le savez, Abdullah Ibn Omar, c'est le fils de Omar Ibn Al-Khattab, radiallahu anhu. Et les savants nous mentionnent que lorsque le père et le fils sont des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il convient de dire qu'Allah les agrée. Il convient de dire « radiallahu anhuma ». Et quelqu'un pourrait se demander ici, est-il permis de dire qu'Allah l'agrée pour quelqu'un d'autre qu'un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tel qu'un tabi'i par exemple, ou autre? Et la réponse à cette question, ikhwani fillah, et que ceci est permis. Il n'y a aucun mal dans cela. Et les preuves à cela sont nombreuses. Parmi elles, le verset 100 de Surat al-Tawbah. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Allah, il dit selon la traduction, les devanciers et tout premier croyant parmi ceux qui ont émigré et ceux qui ont secouru et accueilli le prophète à Médine, ainsi que ceux qui les ont suivis avec bienfaisance, Allah est satisfait d'eux et ils sont satisfaits de lui. Et aussi le verset dans Surat al-Bayyinah où Allah subhanahu wa ta'ala il dit: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Allah il dit selon la traduction, ils auront pour récompense auprès de leur Seigneur des jardins d'établissement permanents sous lesquels coulent des rivières où ils demeureront éternellement. Allah sera satisfait d'eux et ils seront satisfaits de lui. Voilà ce qu'obtiendra celui qui aura craint son Seigneur. Mais par contre, il convient de ne pas utiliser ce procédé tout le temps. C'est-à-dire lorsqu'on parle des tabi'in ou par exemple ceux qui ont suivi les tabi'in, il convient de ne pas utiliser ce procédé tout le temps, c'est-à-dire de dire à chaque fois « radiallahu an » qu'Allah l'agré. Car si on dit ça tout le temps, les gens finiront par penser que ces gens-là sont des compagnons. Mais il n'y a pas de mal de temps en temps de dire par exemple de l'imam Ahmad « radiallahu an » qu'Allah l'agré. Ou par exemple des tabi'in de dire « radiallahu anhum » il n'y a pas de mal dans cela. Donc Ibn Omar rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « On nous a permis la consommation de deux bêtes mortes et de deux sangs. Les deux bêtes mortes sont la sauterelle et le poisson. Et les deux sangs sont le foie et la rate. » Donc ce hadith, comme l'ont mentionné les savants du hadith, est un hadith qui est faible. Car dans sa chaîne de transmission, il y a un homme du nom d'Abdurrahman ibn Zayd ibn Aslam. Et les savants disent de lui que c'est un imam dans le tafsir, mais il est faible dans le hadith. Et que ces hadiths ne sont pas acceptés jusqu'à ce que certains disent le concernant « Va voir Abdurrahman ibn Zayd. Il va te rapporter des récits d'après son père concernant l'arche de Nuh, alayhi salam. » Et ça, ikhwani fillah, ça nous montre l'une des caractéristiques des pieux prédécesseurs. Car lorsque certains ont dit concernant Abdurrahman ibn Zayd, va le voir, il va te rapporter des récits d'après son père concernant l'arche de Nuh, c'est pour montrer à quel point il est faible dans le hadith. Et malgré que cette personne-là, c'était un imam dans le tafsir et qu'il avait beaucoup de bien, cela ne les a pas empêchés de dire de cette personne qu'il est faible dans le hadith et de dire aux gens de ne pas prendre en considération les hadiths qu'il rapporte d'après son père. Et ça, ça nous montre, ikhwan fillah, que les salafs, ils ne blaguaient pas avec la science. Alors d'aujourd'hui, certaines personnes, ils vont prendre la science d'inconnus ou de personnes qui n'ont même pas la capacité ou qui ne sont pas connues pour leur science sans problème. Alors que les salafs, malgré que cette personne était connue pour le ilm et pour le ilm qu'il avait dans le tafsir, il ne prenait pas de lui le hadith. Il ne prenait pas de lui le hadith. Et ça, c'est une chose qui est connue chez les salafs. Tu trouves que le père, ou plutôt le fils, dit de son père, il est faible dans le hadith. Ne prenez pas le hadith de lui. Illa man rahimahullah, cette chose-là est rare. On trouve que certaines personnes vont prendre la science d'ignorants, ou ils vont écouter des cours de personnes juste parce que le titre est plaisant, ou par exemple parce qu'il a une bonne élocution, ou ce genre de choses. Et ceci est certes contraire à la voix des pieux prédécesseurs. Et ceci est aussi contraire aux qawaïd, aux règles que les pieux prédécesseurs ont mentionnées. Prenons par exemple la parole d'Ibn Sirin, qu'Allah l'agré, lorsqu'il disait « Hadha al-ilmu din, fanzuru amman ta'khuduna dinakum » هذا العلم دين, cette science est une religion. Regardez de qui vous prenez votre religion. Donc cette personne-là, Abdurrahman ibn Zayd, est une personne faible. Et donc, ces hadiths sont considérés comme faibles. Et donc, on ne peut pas attribuer ce hadith au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est plutôt une parole qu'on attribue à Ibn Omar. Ceci dit, il convient de prêter attention au début de ce hadith, car il y est mentionné « On nous a permis ». On nous a permis. Et ce genre de formulation ont une importance particulière. Car lorsqu'un compagnon dit « On nous a permis », « On nous a ordonné », « On nous a interdit », ce hadith a le jugement d'une parole attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque dans la parole d'un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on y trouve « On nous a permis », « On nous a ordonné » ou « On nous a interdit », ce hadith-là a le jugement d'une parole attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car ce compagnon-là n'a pas sorti cela de sa tête. Il l'a forcément pris du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et donc les savants disent que le hadith que l'auteur a mentionné ici est faible, mais il a le jugement d'une parole attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, due à la parole d'Ibn Omar au début du hadith, « On nous a permis ». Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Donc lorsque Abdullah ibn Omar il dit, radiyallahu an, on nous a permis, c'est-à-dire le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. On nous a permis, c'est-à-dire le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite il dit, la consommation de deux bêtes mortes et de deux sangs. Et ceci est une exception. Car l'interdiction de ces deux choses sont venues dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate An-Nahl: Innama harrama alaykumul maytata wad-dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla li ghayrillahi bih. Faman yadturra ghayra baghin wa la 'adin fa inna Allaha ghafurur rahim. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, selon le sens, il vous interdit uniquement de consommer la bête morte, le sang, la viande de porc, et ce sur quoi on a invoqué autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il est excepté, donc des bêtes mortes et du sang, ce que Abdullah ibn Omar, radiallahu anhu, il a mentionné dans ce hadith. Donc il dit par la suite, les deux bêtes mortes sont la sauterelle et le poisson. Concernant la sauterelle, sa consommation est licite, qu'elle soit vivante ou morte. Par contre, si elle venait à être tuée par le biais d'un produit chimique, il ne faut pas la manger, car ceci pourrait être nuisible pour la personne. Sinon, en dehors de ce cas, il est permis d'en consommer. Pareil pour le poisson, sa consommation est licite, qu'il soit vivant ou mort. Par contre, s'il est tué par le biais d'un produit chimique, il convient de délaisser sa consommation. Ensuite, Abdullah ibn Omar, il dit, et les deux sangs sont la foie et la rate. Donc ces deux sangs sont licites. Et en ce qui concerne le sang de l'animal, les savants mentionnent que les sangs qui sont impurs sont le sang qui coule de son corps, le sang qui coule du corps de l'animal, et le sang qui sort de son corps lors de l'égorgement. Ce qu'on appelle « ad-dam al-masfouh ». Ces deux sangs-là sont illicites. Au contraire du sang qui se trouve dans les veines, ou même le sang qu'on peut trouver dans la viande. Ces deux sens sont certes purs. Des fois, par exemple, lorsqu'on vient à manger de la viande rouge, on va trouver qu'il y a du sang. Donc ce sang est certes licite. Comme le sang qu'on peut trouver dans ses veines, ce sang-là est licite. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Donc après avoir fini l'explication du hadith, quelqu'un pourrait se demander pourquoi l'auteur a mentionné ce hadith dans le chapitre des eaux. Et la réponse à cette question, ikhwani fillah, c'est que l'auteur, par cela, il veut nous montrer ce qui est licite, que ce qui est licite est pur. L'auteur, il veut nous montrer que ce qui est licite est pur. Et donc, si une sauterelle tombe dans l'eau et meurt, et que l'eau est altérée, l'eau reste pure. Et c'est exactement pareil pour tout ce que l'auteur a mentionné dans ce hadith. Donc on tire de ce hadith plusieurs enseignements. Le premier enseignement qu'on tire de ce hadith, la base dans les bêtes mortes, c'est l'interdiction. Car lorsqu'Ibn Omar Kalalagri dit dans ce hadith, on nous a permis la consommation de deux bêtes mortes, ceci montre qu'en dehors de ceci, c'est interdit. Et ceci est le sens induit de la parole d'Ibn Omar qu'Allah l'agrée. Et ceci équivaut aussi pour le sang. La base dans le sang, c'est l'interdiction. Le deuxième enseignement qu'on tire de ce hadith, la permission de consommer les animaux de mer. Et ceci sans exception. Que cet animal est une forme humaine ou autre. Il est certes permis de consommer n'importe quel animal de mer. Et là, on parle de l'animal qui vit en mer. On ne parle pas d'un chien qui viendrait, par exemple, se noyer. Là, on parle d'un animal qui ne peut vivre qu'en mer. Le troisième enseignement, c'est que lorsque dans la parole d'un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on y trouve, on nous a permis, on nous a interdit, on nous a ordonné, cette parole a le jugement d'une parole qu'on attribue au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci selon l'avis de la majorité des savants, comme l'a mentionné Al-Hafidh Al-Iraqi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Donc nous allons passer maintenant au hadith suivant qui est celui d'Abu Huraira. Donc Abu Huraira rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit si une mouche tombe dans la boisson de l'un de vous, qu'il l'y plonge entièrement, puis la retire, car l'une de ses ailes contient une maladie et l'autre un remède. L'auteur a mentionné ce hadith pour montrer que la mouche et tous les insectes qui lui ressemblent sont purs. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de plonger la mouche dans la boisson si elle viendrait à y tomber. Et ici, le mot boisson est général. Que ça soit de l'eau, ou du lait, du thé, du café, de la soupe ou autre. Et donc après avoir plongé la mouche dans la boisson, il faut la retirer, puis boire la boisson. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné la cause. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, car l'une des ailes contient une maladie et l'autre un remède. Et la question qu'on peut se poser ici, est-ce qu'il faut comprendre par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'autre un remède? Est-ce qu'il faut comprendre qu'il y a dans cette aile un remède contre toutes les maladies ou bien seulement un remède contre la maladie qui se trouve dans l'autre aile? Ce qui est apparent, et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est le plus savant, c'est que ce remède est pour la maladie qui se trouve seulement dans l'autre aile. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Et donc on tire de ce hadith plusieurs enseignements. Le premier enseignement qu'on tire de ce hadith, la mouche est pure, vivante comme morte. Et la raison à cela, c'est que la mouche ne contient pas de sang. Et la règle dans cela est que tous les animaux qui n'ont pas de sang, qui coulent lorsqu'ils se blessent, sont purs. Donc ça, c'est une règle que les savants nous mentionnent. Tous les animaux qui n'ont pas de sang qui coule lorsqu'ils se blessent sont purs. Le deuxième enseignement, les choses se guérissent par leur contraire. Et ceci est une règle connue dans la médecine. Par exemple, le chaud se guérit par le froid. C'est pour cela que lorsqu'une personne a de la fièvre, on va lui recommander qu'elle prenne une douche froide. Ou on va lui recommander, par exemple, de mettre quelque chose de froid sur son front. Le troisième enseignement qu'on tire de ce hadith, la consommation de la mouche est interdite. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a ordonné de la retirer. Et le quatrième enseignement, la capacité parfaite d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car malgré que la mouche soit minuscule, on y trouve quand même deux contraires. On y trouve une maladie et un remède. Et certes, Allah subhanahu wa ta'ala est capable de toutes choses.